Mais d'abord, à grande allure, la Victoria dut descendre les pentes de Frascati, entre de continuels champs de vignes et des bois d'oliviers. La route pavée tournait, peu fréquentée. À peine quelques paysans en vieux chapeaux de feutre noir, un mulet blanc, une carriole attelée d'un âne. C'était seulement le dimanche que les débits de vin se peuplaient et que les artisans, à leur aise, venaient manger le chevreau dans les bastides d'alentour. On passa devant une fontaine monumentale à un coude du chemin. Tout un troupeau de moutons défila, barra un instant le passage. Et toujours, au fond des lentes ondulations de l'immense campagne rousse, Rome lointaine apparaissait dans les vapeurs violettes du soir, semblait s'enfoncer peu à peu, à mesure que la voiture descendait davantage. Il vint un moment où elle ne fut plus, au ras de l'horizon, qu'une mince raie grise, à peine étoilée de blanc par quelques façades ensoleillées. Puis, elle s'abîma en terre, elle se noya sous la houle des champs infinis. Maintenant, la Victoria roulait en plaine, laissant derrière elle les monts Albins, tandis qu'à droite, à gauche, en face, commençait la mer des prairies et des chaumes. Et ce fut alors que le comte, s'étant penché, s'écria « Tenez, voyez donc en avant, là-bas, notre homme de ce matin, le Santo Bono en personne. Hein, quel gaillard, comme il marche, mes chevaux ont peine à le rattraper. » Pierre se pencha à son tour. C'était bien le curé de Sainte-Marie-des-Champs, grand et noueux, comme taillé à coups de serpe dans sa longue soutane noire. Sous la fine lumière, le clair soleil blond qui l'inondait, il faisait une dure tache d'encre, et il allait d'un tel pas, régulier et rude, qu'il ressemblait au destin en marche. Au bout de son bras droit pendait quelque chose, un objet qu'on distinguait mal. Quand la voiture eut fini par l'atteindre, Prada donna l'ordre au cocher de ralentir, et il engagea la conversation. « Bonjour, l'abbé, vous allez bien ?»« Très bien, monsieur le comte, mille grâces. »« Et où courez-vous donc si gaillardement ?»« Monsieur le comte, je vais à Rome. »« Comment à Rome, si tard ?»« Oh, j'y serai presque aussitôt que vous. La route ne me fait pas peur, et c'est de l'argent vite gagné. » Il ne perdait pas une enjambée, tournant à peine la tête, allongeant le pas le long des roues. Si bien que Prada, mis en joie par la rencontre, dit tout bas à Pierre « Attendez, il nous amusera !» Puis à voix haute « Puisque vous allez à Rome, l'abbé, montez donc, il y a une place pour vous !» Immédiatement, sans se faire prier davantage, Santo Bono accepta. « Je veux bien, mille grâces, ça vaut encore mieux de ne point user ses souliers. » Et il monta, s'installa sur le strapontin, refusant avec une brusque humilité la place que Pierre voulait poliment lui céder près du comte. Ceci venait enfin de reconnaître, dans l'objet qu'il portait, un petit panier plein de figues, joliment arrangé et recouvert de feuilles. Les chevaux étaient repartis à un trot plus vif, la voiture roulait sur la belle route plate. « Alors, vous allez à Rome ?» reprit le comte pour faire causer le curé. « Oui, oui, je vais porter à son éminence révérendissime, le cardinal Boccanera, ces quelques figues, les dernières de la saison, dont j'avais promis de lui faire le petit cadeau. » Il avait posé sur ses genoux le panier qu'il tenait soigneusement entre ses grosses mains noueuses, ainsi qu'une chose fragile et rare. « Ah, les figues fameuses de votre figuier! C'est vrai, elles sont tout miel. Mais débarrassez-vous donc, vous n'allez pas les garder sur vos genoux jusqu'à Rome. Donnez-les-moi, je vais les mettre dans la capote. » Il s'agita, les défendit, ne voulut absolument pas s'en séparer. « mille grâces, elles ne me gênent pas du tout, elles sont très bien là, et je suis sûr de cette façon qu'il ne leur arrivera pas d'accident. » Cette passion de Santo Bono pour les fruits de son jardin amusait beaucoup Prada, qui poussait le coude de Pierre. Elle demanda de nouveau. « Et le cardinal, les aime, vos figues ?»« Oh, monsieur le comte, son éminence daigne les adorer. Autrefois, lorsqu'elle passait l'été à la villa, elle ne voulait pas en manger d'un autre arbre. Alors, vous comprenez, ça ne me coûte guère de lui faire plaisir, du moment que je connais son goût. » Mais il avait jeté sur Pierre un regard si aigu que le comte sentit la nécessité de les présenter l'un à l'autre. « Monsieur l'abbé Froment est justement descendu au palais Boccanera, où il loge depuis 3 mois. »« Je sais, je sais, » dit avec tranquillité Santo Bono. « J'ai vu monsieur l'abbé chez son éminence un jour, où déjà j'étais allé porter des figues. Seulement, elles étaient moins mûres. Celles-ci sont parfaites. » Il eut un regard de complaisance sur le petit panier, qu'il parut serrer plus étroitement entre ses doigts énormes, couverts de poils fauves. Et il se fit un silence, tandis que la campagne se déroulait sans fin aux deux bords. Les maisons avaient disparu depuis longtemps, pas un mur, pas un arbre, rien que les ondulations vastes, dont l'approche de l'hiver commençait à verdir les herbes maigres et rases. Une tour, une ruine à demi écroulée, qui apparut à gauche, prit tout à coup une importance extraordinaire, droite dans le ciel limpide, au-dessus de la ligne plate illimitée de l'horizon. Puis, à droite, dans un grand parc fermé de pieux, se montrèrent de lointaines silhouettes de bœufs et de chevaux. D'autres bœufs, attelés encore, rentraient lentement du labour sous les piqûres de l'aiguillon, tandis qu'un fermier, lancé au galop d'un petit cheval rouge, achevait de donner son coup d'œil du soir à travers les terres labourées. La route par moments se peuplait. Un biroccino, très légère voiture à 2 grandes roues, avec un simple siège posé sur l'essieu, venait de filer comme le vent. De temps à autre, la Victoria dépassait un carrettino, la charrette basse dans laquelle le paysan, abrité sous une sorte de tente aux couleurs vives, apportait à Rome le vin, les légumes, les fruits des châteaux romains. On entendait de loin les clochettes grêles des chevaux s'en allant d'eux-mêmes par le chemin bien connu, pendant que le paysan d'ordinaire dormait à point fermé. Des femmes rentraient par groupes de 3 ou 4, la jupe relevée, les cheveux nus et noirs, avec des fichus écarlates. Et la route se vidait ensuite, et le désert se faisait de plus en plus, sans un passant, sans une bête, pendant des kilomètres, sous le ciel rond et infini, où descendait le soleil oblique, là-bas, au bout de cette mer vide, d'une monotonie grandiose et triste. « Et le pape, l'abbé ?» demanda soudain Prada. « Est-il mort ?» Santo Bono ne s'effara même pas. « J'espère bien, dit-il simplement, que sa sainteté a encore de longs jours à vivre pour le triomphe de l'Église. Alors, vous avez eu de bonnes nouvelles ce matin chez votre évêque, le cardinal Sanguinetti. » Cette fois, le curé ne put réprimer un léger tressaillement. On l'avait donc vu. Lui, dans sa hâte, n'avait pas remarqué ces 2 passants qui venaient derrière son dos sur la route. « Oh !» répondit-il en se remettant tout de suite. « On ne sait jamais au juste si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises. » « Il paraît que sa sainteté a passé une assez pénible nuit, et je fais des vœux pour que la nuit prochaine soit meilleure. » Un instant, il sembla se recueillir, puis il ajouta. « Si, d'ailleurs, Dieu croyait l'heure venue de rappeler à lui sa sainteté, il ne laisserait pas son troupeau sans pasteur. Il aurait déjà choisi et marqué le souverain pontife de demain. » Cette belle réponse accrut encore la joie de Prada. « Vraiment, l'abbé, vous êtes extraordinaire. Alors, vous pensez que les papes se font ainsi par la grâce de Dieu? Le pape de demain est nommé là-haut, n'est-ce pas? Et il attend, simplement. Je m'imaginais, moi, que les hommes se mêlaient un peu de l'affaire. Mais peut-être savez-vous déjà quel est le cardinal élu d'avance par la faveur divine ?» Et il continua ses plaisanteries faciles d'un croyant, qui laissait du reste le prêtre dans un calme parfait. Ce dernier finit même par rire, lui aussi, lorsque le comte, faisant allusion à l'ancienne passion que le peuple joueur de Rome mettait lors de chaque conclave à parier sur l'élu probable, lui dit qu'il y aurait là, pour lui, une fortune à gagner s'il était dans le secret de Dieu. Puis il fut question des trois soutanes blanches, de trois grandeurs différentes qui attendaient dans une armoire du Vatican. Toujours prêtes. Serait-ce cette fois la petite, la grande ou la moyenne qu'on emploierait? À la moindre maladie sérieuse du pape régnant, c'était ainsi une émotion extraordinaire, un réveil aigu de toutes les ambitions, de toutes les intrigues, à ce point que, non seulement dans le monde noir, mais encore dans la ville entière, il n'y avait plus d'autres curiosités, d'autres entretiens, d'autres occupations que pour discuter les titres des cardinaux et pour prédire celui qui l'emporterait. « Voyons, voyons, » reprit Prada, « puisque vous savez, vous, je veux absolument que vous me disiez. Sera-ce le cardinal Moretta ?» Santobono, malgré son évidente volonté de rester digne et désintéressé, en bon prêtre pieux, se passionnait peu à peu, cédait à sa flamme intérieure. Et cet interrogatoire l'acheva, il ne put se contenir davantage. « Moretta, allons donc, il est vendu à toute l'Europe. Sera-ce le cardinal Bartolini ? Vous n'y pensez pas ? Bartolini ? Mais il s'est usé à tout vouloir et à ne jamais rien obtenir. Alors, sera-ce le cardinal Dozio ? Dozio, Dozio. Ah, si Dozio l'emportait, ce serait à désespérer de notre Sainte Église, car il n'y a pas d'esprit plus bas ni plus méchant. Prada leva les mains comme s'il était à bout de candidats sérieux. Il mettait un malin plaisir à ne pas nommer le cardinal Sanguinetti, le candidat certain du curé, pour exaspérer celui-ci davantage. Puis, soudain, il parut avoir trouvé, il s'écria gaiement. « Ah, j'y suis, je connais votre homme, le cardinal Boccanera !» Du coup, Santobono fut touché en plein cœur, dans sa rancune, dans sa foi de patriote. Déjà, sa bouche terrible s'ouvrait. Il allait crier « Non, non !» de toute sa force. Mais il parvint à retenir le cri, réduit au silence avec son cadeau sur les genoux. Ce petit panier de figues que ses deux mains serrèrent à le briser. Et l'effort qu'il dut faire le laissa si frémissant qu'il fut forcé d'attendre avant de répondre d'une voix calmée. « Son éminence révérendissime, le cardinal Boccanera, est un saint homme, digne du trône, et je craindrais seulement qu'il n'apportât la guerre dans sa haine contre notre Italie nouvelle. » Mais Prada voulut aggraver la blessure. « Enfin, celui-ci, vous l'acceptez, vous l'aimez trop pour ne pas vous réjouir de ses chances, et je crois que cette fois nous sommes dans le vrai. » car tout le monde est convaincu que le conclave n'en peut nommer un autre. Allons, il est très grand, ce sera la grande soutane blanche qui servira. La grande soutane, gronda Santobono sourdement et comme malgré lui. À moins pourtant... Il n'acheva pas, de nouveau vainqueur de sa passion. Et Pierre, qui écoutait en silence, s'émerveilla, car il se rappelait la conversation qu'il avait surprise chez le cardinal Sanguinetti. Évidemment, les figues n'étaient qu'un prétexte pour forcer la porte du palais Boccanera, où quelques familiers, l'abbé Paparelli sans doute, pouvaient seuls donner des renseignements certains à son ancien camarade. Mais quel empire cet exalté avait sur lui-même! dans les mouvements les plus désordonnés de son âme. Aux deux côtés de la route, la campagne continuait à dérouler à l'infini ses nappes d'herbe, et Prada regardait sans voir, devenu sérieux et songeur. Il acheva tout haut ses réflexions. « Vous savez ce qu'on dira à l'abbé, s'il meurt cette fois ? Ça ne sent guère bon, ce brusque malaise, ces coliques, ces nouvelles qu'on cache. Oui, oui, le poison, comme pour les autres. » Pierre eut un sursaut de stupeur. « Le pape empoisonné ? Comment ? Le poison encore ? » cria-t-il. Effaré, il les contemplait tous les deux. Le poison, comme au temps des Borgia, comme dans un drame romantique à la fin de notre XIXe siècle, cette imagination lui semblait à la fois monstrueuse et ridicule. Santobono, la face devenue immobile, impénétrable, ne répondit pas. Mais Prada hocha la tête, et la conversation ne fut plus qu'entre lui et le jeune prêtre. « Eh oui, le poison encore !» À Rome, la peur en est restée vivace et très grande. Dès qu'une mort y paraît inexplicable, trop prompte ou accompagnée de circonstances tragiques, la première pensée est unanime. Tout le monde crie au poison. Et remarquez qu'il n'est pas de ville, je crois, où les morts subites soient plus fréquentes. Je ne sais au juste pour quelle cause. Les fièvres, dit-on. Oui, oui. Le poison avec toute sa légende, le poison qui tue comme la foudre et ne laisse pas de traces, la fameuse recette léguée d'âge en âge, sous les empereurs et sous les papes, et jusqu'à nos jours de bourgeoise démocratie. Il finissait par sourire pourtant, un peu sceptique lui-même, dans sa terreur sourde de race et d'éducation. Et il citait des faits. Les dames romaines se débarrassaient de leurs maris ou de leurs amants en employant le venin d'un crapaud rouge. Plus pratique, locuste s'adressait aux plantes, faisait bouillir une plante qui devait être l'aconite. Après les Borgia, la Tofana vendait à Naples, dans des fioles décorées de l'image de Saint Nicolas de Bari, une eau célèbre, à base d'arsenic sans doute. Et c'était encore des histoires extraordinaires, des épingles à la piqûre foudroyante, une coupe de vin qu'on empoisonnait en y effeuillant une rose, une bécasse qu'un couteau préparé partageait en deux et dont la moitié contaminait tuer l'un des deux convives. Moi qui vous parle, j'ai eu dans ma jeunesse un ami dont la fiancée à l'église le jour du mariage est tombée morte pour avoir simplement respiré un bouquet de fleurs. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas que la fameuse recette se soit réellement transmise et reste connue de quelques initiés ? Mais, dit Pierre, parce que la chimie a fait trop de progrès. Si les anciens croyaient à des poisons mystérieux, c'était qu'ils manquaient de tout moyen d'analyse. Aujourd'hui, la drogue des Borgia mènerait droit en cour d'assises le naïf qui s'en servirait. Ce sont des contes à dormir debout, et c'est à peine si les bonnes gens les tolèrent encore dans les romans feuilletons. Je veux bien, reprit le comte avec son sourire gêné. Vous avez sans doute raison. Seulement, allez donc dire cela, tenez, à votre hôte, au cardinal Boccanera, qui a tenu dans ses bras un vieil ami à lui, tendrement aimé, Monsignor Gallo, mort l'été dernier en 2 heures. En 2 heures, une congestion cérébrale suffit, et un anévrisme tue même en 2 minutes. C'est vrai, mais demandez-lui ce qu'il a pensé devant les longs frissons, la face qui se plombait, les yeux qui se creusaient, ce masque d'épouvante où il ne retrouvait plus rien de son ami. Il en a la conviction absolue. Monsignor Gallo a été empoisonné parce qu'il était son confident le plus cher, son conseiller toujours écouté, dont les sages avis étaient des garants de victoire. L'ahurissement de Pierre avait grandi. Il s'adressa directement à Santobono, qui achevait de le troubler par son impassibilité irritante. « C'est imbécile, c'est effroyable. Et vous aussi, monsieur le curé, vous croyez à ces affreuses histoires ?» Pas un poil du prêtre ne bougea. Il ne desserra pas ses grosses lèvres violentes, il ne détourna pas ses yeux de flamme noire qu'il tenait fixés sur Prada. Celui-ci, d'ailleurs, continuait à donner des exemples. Et Monsignore Nazarelli, qu'on avait trouvé dans son lit, réduit et calciné comme un charbon. Et Monsignore Brando, frappé à Saint-Pierre même, pendant les vêpres, mort dans la sacristie, vêtu de ses habits sacerdotaux. Ah, mon Dieu ! Soupira Pierre. Vous m'en direz tant que je finirai par trembler, moi aussi, et par ne plus oser manger que des œufs à la coque dans votre terrible Rome. Cette boutade les égaya un instant, le comte et lui. Et c'était vrai, une terrible Rome se dégageait de leur conversation. La ville éternelle du crime, du poignard et du poison, où depuis plus de 2000 ans, depuis le premier mur bâti, la rage du pouvoir, l'appétit furieux de posséder et de jouir avaient armé les mains, ensanglanté le pavé, jeté des victimes au Tibre ou dans la terre. Assassinat et empoisonnement sous les empereurs, empoisonnement et assassinat sous les papes, le même flot d'abominations rouler les morts sur ce sol tragique dans la gloire souveraine du soleil. « N'importe, reprit le comte, ceux qui prennent leurs précautions n'ont peut-être pas tort. On dit que plus d'un cardinal frissonne et se méfie. J'en sais un qui ne mange rien que des viandes achetées et préparées par son cuisinier. Et quant au pape, s'il a des inquiétudes... » Pierre eut un nouveau cri de stupeur. « Comment, le pape lui-même? Le pape a la crainte du poison ?»« Eh oui, mon cher abbé, on le prétend du moins. Il est certainement des jours où il se voit le premier menacé. Ne savez-vous pas que l'ancienne croyance, à Rome, est qu'un pape ne doit pas vivre trop vieux, et que, lorsqu'il s'entête à ne pas mourir à temps, on l'aide? Sa place est naturellement au ciel. » Dès qu'un pape tombe en enfance, devient une gêne, même un danger pour l'Église par sa sénilité. Les choses, d'ailleurs, sont faites très proprement. Le moindre rhume est le prétexte décent pour qu'il ne s'oublie pas davantage sur le trône de Saint-Pierre. À ce propos, il ajouta de curieux détails. Un prélat, disait-on, voulant calmer les craintes de sa sainteté, avait imaginé tout un système de précautions, entre autres une petite voiture cadenassée pour les provisions destinées à la table pontificale, très frugale du reste, mais cette voiture était restée à l'état de simple projet. « Et puis quoi ? » finit-il par conclure en riant. « Il faut bien mourir un jour, surtout lorsque c'est pour le bien de l'Église. N'est-ce pas, l'abbé ?» Depuis un instant, Santobono, dans son immobilité, avait baissé les regards, comme s'il eût examiné sans fin le petit panier de figues qu'il tenait sur ses genoux avec tant de précaution, tel qu'un saint sacrement. Interpellé d'une façon si directe et si vive, il ne put éviter de relever les yeux. Mais il ne sortit pas de son grand silence, il se contenta d'incliner longuement la tête. « N'est-ce pas, l'abbé ? » répéta Prada, « que c'est Dieu seul et non le poison qui fait mourir. On raconte que telle a été la dernière parole du pauvre Monsignore Gallo quand il a expiré dans les bras de son ami, le cardinal Boccanera. » Une seconde fois, sans parler, Santobono inclina la tête. Et tous trois se turent, songeurs. La voiture roulait. Roulait sans cesse par l'immensité nue de la campagne. Toute droite, la route paraissait aller à l'infini. À mesure que le soleil descendait vers l'horizon, des jeux d'ombre et de lumière marquaient davantage les vastes ondulations des terrains, qui se succédaient ainsi, d'un vert rose et d'un gris violâtre, jusqu'au bord lointain du ciel. Le long de la route, à droite, à gauche, il n'y avait toujours que de grands chardons séchés, des fenouils géants aux ombelles jaunes. Puis, ce fut encore, à un moment, un attelage de 4 bœufs, attardés dans un labour, s'enlevant en noir sur l'air pâle, d'une extraordinaire grandeur au milieu de la morne solitude. Plus loin, des moutons en tas, dont le vent apportait l'âpre odeur de suint, tachaient de brun les herbes reverdies, tandis qu'un chien, parfois, aboyait, seule voix distincte dans le sourd frisson de ce désert silencieux, où semblait régner la paix souveraine des morts. Mais il y eut un chant léger, des alouettes s'envolaient. Une d'elles monta très haut, tout en haut du ciel d'or limpide. Et en face, au fond de ce ciel pur, cristal limpide, Rome de plus en plus grandissait, avec ses tours et ses dômes, ainsi qu'une ville de marbre blanc, qui naîtrait d'un mirage parmi les verdures d'un jardin enchanté. « Matteo ! » cria Prada à son cocher. « Arrête-nous à l'Osteria Remaria !» Et s'adressant à ses compagnons, « Je vous prie de m'excuser, je vais voir s'il n'y a pas des œufs frais pour mon père, il les adore. » On arrivait et la voiture s'arrêta. C'était, au bord même de la route, une sorte d'auberge primitive, au nom sonore et fier, Antica Osteria Romana, simple relais pour les charretiers, où les chasseurs seuls se hasardaient à boire une carafe de vin blanc en mangeant une omelette et un morceau de jambon. Pourtant, le dimanche parfois, le petit peuple de Rome poussait jusque-là, venait s'y réjouir. Mais en semaine, dans l'immense campagne, nue, des journées s'écoulaient sans qu'une âme y entrât. Déjà, le comte sautait lestement de la voiture en disant « J'en ai pour une minute, je reviens tout de suite ». L'Osteria ne se composait que d'une longue construction basse à un seul étage, et l'on montait à cet étage par un escalier extérieur fait de grosses pierres que les grands soleils avaient cuites. Toute la bâtisse, d'ailleurs, était fruste, couleur de vieil or. Il y avait au rez-de-chaussée une salle commune, une remise, une écurie, des hangars. À côté, près d'un bouquet de pins parasols, l'arbre unique qui poussait dans le sol ingrat, se trouvait une tonnelle en roseau, sous laquelle étaient rangées 5 ou 6 tables de bois, équarries à coups de hache. Et, comme fond à ce coin de vie pauvre et morne, se dressait derrière un fragment d'aqueduc antique, dont les arches béantes sur le vide, écroulées à demi, coupaient seules la ligne plate de l'horizon sans bornes. Mais le comte revint brusquement sur ses pas. « Dites donc, l'abbé, vous accepterez bien un verre de vin blanc. Je sais que vous êtes un peu vigneron, et il y a ici un petit vin qu'il faut connaître. » Santo Bono, sans se faire prier, tranquillement, descendit à son tour. « Oh, je le connais, je le connais. C'est un vin de Marino qu'on récolte dans une terre plus maigre que nos terres de Frascati. » Et comme il ne lâchait toujours pas son panier de figues, l'emportant avec lui, le comte s'impatienta. « Voyons, vous n'en avez pas besoin. Laissez-le donc dans la voiture. » Le curé ne répondit pas, marcha devant, tandis que Pierre se décidait aussi à descendre, curieux de voir une osteria, une de ces guinguettes du petit peuple dont on lui avait parlé. Prada était connue. Tout de suite, une vieille femme s'était montrée, grande, sèche, d'allure royale, dans sa misérable jupe. La dernière fois, elle avait fini par trouver une demi-douzaine d'œufs frais. Et cette fois, elle allait voir, sans rien promettre d'avance. Car elle ne savait jamais, les poules pendaient au hasard dans tous les coins. « Bon, bon, voyez cela, on va nous servir une carafe de vin blanc. » Tous trois entrèrent dans la salle commune. La nuit y était déjà noire. Bien que la saison chaude fût passée, on y entendait, dès le seuil, le ronflement sourd du vol des mouches. Une odeur âcre de vin aigrelé et d'huile rance prenait à la gorge. Et dès que leurs yeux se furent un peu accoutumés, ils purent distinguer la vaste pièce, noircie, empuantie, meublée simplement de bancs et de tables, en gros bois à peine raboté. Elle semblait vide, tellement le silence y était absolu, sous le vol des mouches. Il y avait pourtant là deux hommes, deux passants, immobiles et muets, devant leur verre plein. Sur une chaise basse, près de la porte, dans le peu de jour qui entrait, la fille de la maison, une maigre fille jaune, tremblait de fièvre, les deux mains serrées entre les genoux, oisive. En sentant le malaise de Pierre, le comte proposa de se faire servir dehors. « Nous serons beaucoup mieux, il fait si doux. » Et la fille, pendant que la mère cherchait les œufs et que le père, sous un hangar voisin, raccommodait une roue, dut se lever en grelottant pour porter la carafe de vin et les trois verres sur une des tables de la tonnelle. Elle empocha les 6 sous de la carafe, elle retourna s'asseoir, sans une parole, l'air maussade d'avoir été forcée de faire un tel voyage. Gaiement, lorsque tous trois se furent attablés, Prada emplit les verres. Malgré les supplications de Pierre, incapable, disait-il, de boire ainsi du vin entre ses repas. « Bah, bah, vous trinquerez toujours. N'est-ce pas, l'abbé, qu'il est amusant, ce petit vin ? Voyons, à la santé du pape, puisqu'il est souffrant. » Santo Bono, après avoir vidé son verre d'un trait, fit claquer sa langue. Il avait posé le panier par terre, à côté de lui, d'une main douce, avec un soin paternel. Et il enleva son chapeau. Il respira largement. La soirée était vraiment délicieuse. Une pureté de ciel admirable, un immense ciel d'or tendre, au-dessus de cette mer sans fin de la campagne, qui allait s'endormir dans une immobilité, une paix souveraine. Et le petit vent dont les souffles passaient au travers du grand silence avait un goût exquis d'herbes et de fleurs sauvages. « Mon Dieu, qu'on est bien !» murmura Pierre, gagné par ce charme. « Et quel désert d'éternel repos pour y oublier le reste du monde !» Mais Prada, qui avait vidé la carafe en remplissant de nouveau le verre du curé, s'amusait fort, sans rien dire, d'une aventure qu'il fut d'abord seul à remarquer. Il avertit le jeune prêtre d'un coup d'œil de gaie complicité. Et, dès lors, tous deux en suivirent les péripéties dramatiques. Quelques poules maigres erraient autour d'eux dans l'herbe roussie, en quête de sauterelles. Or, une de ces poules, une petite poule noire, fine et luisante, d'une grande effronterie, ayant aperçu le panier de figues par terre, s'en approchait avec hardiesse. Pourtant, quand elle fut tout près, elle prit peur, recula. Elle raidissait le cou, tournait la tête, dardait la braise de son œil rond. Enfin, la passion fut la plus forte, et, comme une figue se montrait entre deux feuilles, elle s'avança sans hâte, en levant les pattes très haut, et, brusquement, elle allongea un grand coup de bec, elle troua la figue qui saigna. Prada, heureux comme un enfant, put lâcher l'éclat de rire qu'il avait contenu à grand-peine. « Attention, l'abbé, gare à vos figues !» Justement, Santo Bono achevait son second verre, la tête renversée, les yeux au ciel, dans une béate satisfaction. Il eut un sursaut, regarda, compris en voyant la poule. Et ce fut tout un éclat de colère, de grands gestes, des invectives terribles. Mais la poule, qui donnait à ce moment un autre coup de bec, ne lâcha pas, piqua la figue, l'emporta, les ailes battantes, si promptes et si comiques, que Prada et Pierre lui-même rirent aux larmes, devant la fureur impuissante de Santo Bono, qui la poursuivit un instant en la menaçant du poing. « Voilà ce que c'est de ne pas avoir laissé le panier dans la voiture. dit le comte. « Si je ne vous avais pas prévenu, la poule mangeait tout !» Sans répondre, grondant encore de sourdes imprécations, le curé avait posé le panier sur la table. Et il souleva les feuilles, rangea de nouveau les figues avec art pour combler le trou. Puis les feuilles replacées, le mal réparé, il se calma. Il était temps de repartir. Le soleil s'abaissait à l'horizon, la nuit était proche. Aussi, le comte finit-il par s'impatienter. « Eh bien, et ses œufs ?» Et ne voyant pas revenir la femme, il se mit à sa recherche. Il entra dans l'écurie, visita ensuite la remise. La femme ne s'y trouvait point. Alors il passa derrière la maison pour jeter un coup d'œil sous les hangars. Mais là, tout d'un coup, une chose inattendue l'arrêta net. Par terre, la petite poule noire gisait, foudroyée, morte. Elle n'avait au bec qu'un mince flot de sang violâtre et qui coulait encore. D'abord, il ne fut qu'étonné. Il se baissa, la toucha. Elle était tiède, souple et molle, telle qu'un chiffon. Sans doute un coup de sang. Puis aussitôt, il devint affreusement pâle. La vérité l'envahissait, le glaçait. Comme dans un éclair, il évoquait Léon XIII malade, Santo Bono courant aux nouvelles chez le cardinal Sanguinetti, partant ensuite pour Rome faire cadeau du panier de figues au cardinal Boccanera. Et il se rappelait la conversation depuis Frascati, la mort éventuelle du pape, les candidats possibles à la tiare, les histoires légendaires de poison qui terrorisaient encore les alentours du Vatican. Et il revoyait le curé avec son petit panier sur les genoux, plein de soins paternels. Et il revoyait la petite poule noire piquant dans le panier, se sauvant avec une figue au bec. La petite poule était là, morte, foudroyée. Sa conviction fut immédiate, absolue. Mais il n'eut pas même le temps de se demander ce qu'il allait faire. Une voix derrière lui se récriait. « Tiens, c'est la petite poule, qu'a-t-elle donc ?» C'était Pierre qui, laissant remonter Santo Bono en voiture, avait fait lui aussi le tour de la maison pour regarder de plus près le fragment d'aqueduc, à demi écroulé parmi les pins parasols. Prades, frémissant comme s'il était le coupable, répondit par un mensonge, sans l'avoir prémédité, cédant à une sorte d'instinct. « Mais elle est morte. Imaginez-vous qu'il y a eu bataille. Au moment où j'arrivais, cette autre poule que vous apercevez là-bas s'est jetée sur celle-ci pour avoir la figue qu'elle tenait encore, et lui a d'un coup de bec défoncé le crâne. Vous voyez bien, le sang coule. » Pourquoi disait-il ces choses? Il s'étonnait lui-même en les inventant. Voulait-il donc rester maître de la situation? N'être avec personne dans l'abominable confidence pour agir ensuite à son gré? C'était à la fois une gêne honteuse devant un étranger, un goût personnel de la violence qui mêlait de l'admiration à sa révolte d'honnête homme, un sourd besoin d'examiner la chose au point de vue de son intérêt personnel avant de prendre un parti. Honnête homme, il l'était. Il n'allait sûrement pas laisser empoisonner les gens. Pierre, pitoyable aux bêtes, regardait la poule avec la petite émotion que lui causait la brusque suppression de toute vie, et il accepta très naturellement l'histoire. « Ah, ces poules, elles sont entre elles d'une férocité imbécile que les hommes ont à peine égalée. J'avais un poulailler chez moi, et une d'elles ne pouvait se blesser à la patte sans que toutes les autres, en voyant perler le sang, vinssent la piquer et la manger jusqu'à l'os. » Tout de suite, Prada s'éloigna. Et justement, la femme le cherchait de son côté pour lui remettre 4 œufs qu'elle avait dénichés à grand-peine dans les coins de sa maison. Il se hâta de les payer, rappela Pierre qui s'attardait. « Dépêchons, dépêchons! Maintenant, nous ne serons plus à Rome qu'à la nuit noire. » Dans la voiture, ils retrouvèrent Santo Bono qui attendait tranquillement. Il avait repris sa place sur le strapontin, l'échine fortement appuyée contre le siège du cocher, ses grandes jambes ramenées sous lui. Et il tenait de nouveau sur ses genoux le petit panier de figues si coquettement arrangé qu'il protégeait de ses grosses mains noueuses comme une chose rare et fragile que le moindre chaos des roues aurait pu endommager. Sa soutane faisait une grande tache sombre. Dans sa face épaisse et terreuse de paysan resté près de la sauvage terre, mal dégrossi par ses quelques années d'études théologiques, ses yeux seuls semblaient vivre d'une flamme noire dévorante de passion. En l'apercevant, si carrément installé, si calme, Prada avait eu un petit frisson. Puis, dès que la Victoria se fut remise à rouler, par la route toute droite et sans fin, « Eh bien, l'abbé, voilà un coup de vin qui va nous protéger du mauvais air. Si le pape pouvait faire comme nous, ça le guérirait sûrement de ses coliques. » Mais Santo Bono, pour toute réponse, ne lâcha qu'un sourd grondement. Il ne voulait plus parler. Il s'enferma dans un silence absolu, comme en veille par la nuit lente qui tombait. Et Prada se tut à son tour, les yeux fixés sur lui, en se demandant ce qu'il allait faire. La route tournait, puis la voiture roula, roula encore, sur une chaussée interminable dont le pavé blanc semblait filer à l'infini, d'un trait. Maintenant, cette blancheur de la route prenait une sorte de lumière, déroulait un ruban de neige, tandis que la campagne immense, aux deux bords, se noyait peu à peu d'une ombre fine. Dans les creux des vastes ondulations, les ténèbres s'amassaient. Une marée violâtre semblait s'en épandre, recouvrant partout de son flot l'herbe rase, élargissant la plaine à perte de vue, telle qu'une mer déteinte. Tout se confondait, ce n'était plus que la houle indistincte et neutre, d'un bout de l'horizon à l'autre. Et le désert s'était vidé encore. Une dernière charrette indolente venait de passer. Un dernier tintement de clochettes claires s'éteignait au loin. Plus un passant, plus une bête, la mort des couleurs et des sons. Toute vie tombant au sommeil, à la paix sereine du néant. À droite, des fragments d'aqueduc continuaient à se montrer de place en place, pareils à des tronçons de 1000 pattes géants, que la faux des siècles aurait coupés. Puis, ce fut, à gauche, une nouvelle tour, dont la haute ruine sombre barra le ciel d'un pieu noir. Et d'autres morceaux d'aqueduc franchirent la route, prirent de ce côté une valeur démesurée en se détachant sur le coucher du soleil. Ah, l'unique heure, l'heure du crépuscule dans la campagne romaine, quand tout s'y noie et s'y résume. L'heure de l'immensité nue, de l'infini dans la simplicité. Il n'y a rien, rien que la ligne ronde et plate de l'horizon, rien que la tache d'une ruine isolée, debout. Et ce rien est d'une majesté, d'une grandeur souveraine. Mais le soleil se couchait, là-bas, à gauche, vers la mer. Dans le ciel limpide, il descendait, tel qu'un globe de braise, d'un rouge aveuglant. Il plongea lentement derrière l'horizon, et il n'y eut d'autres nuages que quelques vapeurs d'incendiers, comme si la mer lointaine eût bouillonné soudain sous la flamme de cette royale visite. Tout de suite, quand il eut disparu, ce coin du ciel s'empourpra d'une mare de sang, tandis que la campagne devenait grise. Il n'y avait plus, au bout de la plaine décolorée, que ce lac de pourpre dont on voyait le brasier peu à peu mourir derrière les arches noires des aqueducs. Et de l'autre côté, les autres arches éparses, restées roses, s'enlevaient en clair sur le ciel couleur d'airain. Puis les vapeurs d'incendie se dissipèrent, le couchant finit par s'éteindre, dans une grande mélancolie farouche. Au firmament apaisé, devenue de cendres bleues, les étoiles s'allumaient une à une, pendant que les lumières de Rome, encore lointaines, au ras de l'horizon, en face, scintillaient pareilles à des phares. Et Prades, dans le silence songeur de ses deux compagnons, au milieu de l'infinie tristesse du soir, envahi lui-même d'une détresse indicible, continuait à se questionner, à se demander ce qu'il allait faire. Ses yeux n'avaient pas quitté Santo Bono, dont la figure se noyait de nuit, mais si tranquille, abandonnant son grand corps au balancement de la voiture. Il se répétait qu'il ne pouvait laisser empoisonner ainsi les gens. Les figues étaient sûrement destinées au cardinal Boccanera. Et peu lui importait, en somme, un cardinal de plus ou de moins, un pape possible dont l'action historique future était difficile à prévoir. Dans son âpre conception de conquérant, tout à la lutte pour la vie, le mieux lui avait toujours semblé de laisser faire le destin, sans compter qu'il ne voyait aucun mal à ce que le prêtre mangeât le prêtre, ce qui égayait son athéisme. Il songea aussi qu'il pouvait être dangereux d'intervenir dans cette abominable affaire, au fond des basses intrigues, louches et insondables du monde noir. Mais le cardinal n'était pas seul au palais Boccanera. Les figues ne pouvaient-elles se tromper d'adresse, aller à d'autres personnes qu'on ne voulait pas atteindre? Cette idée de révoltant hasard, maintenant, le hantait. Et sans qu'il voulût y arrêter sa pensée, les visages de Benedetta et de Dario s'étaient dressés devant lui, revenaient malgré son effort pour ne pas les voir, s'imposaient. Si Benedetta, si Dario mangeait de ses fruits! Benedetta, il l'écarta tout de suite, car il savait qu'elle faisait table à part avec sa tante, qu'il n'y avait rien de commun entre les deux cuisines. Mais Dario déjeunait chaque jour avec son oncle. Un instant, il vit Dario pris d'un spasme, tomber entre les bras du cardinal, comme le pauvre Monsignore Gallo, la face grise, les yeux creux, foudroyé en 2 heures. Non, non, cela était affreux. Il ne pouvait permettre une abomination pareille. Alors, son parti fut arrêté. Il allait attendre que la nuit fût complète. Et, tout simplement, il prendrait le panier sur les genoux du curé, il le jetterait à la volée dans quelques trousses d'ombre, sans dire un mot. Le curé comprendrait. L'autre, le jeune prêtre, ne s'apercevrait peut-être pas de l'aventure. D'ailleurs, peu importait, car il était bien décidé à ne pas même expliquer son acte. Et il se sentit tout à fait calmé, lorsque l'idée lui vint de jeter le panier au moment où la voiture passerait sous la porte Furba, quelques kilomètres avant Rome. Dans les ténèbres de la porte, ce serait très bien, on ne pourrait rien voir. Nous nous sommes attardés, nous ne serons guère à Rome avant 6 heures, reprit-il tout haut, en se tournant vers Pierre. « Mais vous aurez le temps d'aller vous habiller et de rejoindre votre ami. » Et sans attendre la réponse, il s'adressa à Santo Bono. « Vos figues arriveront bien tard. »« Oh !» dit le curé, « son éminence reçoit jusqu'à 8 heures. Et puis, ce n'est pas pour ce soir, les figues. On ne mange pas de figues le soir. Ce sera pour demain matin. » Il retomba dans son silence. Il ne parla plus. « Pour demain matin, oui, oui, sans doute, » répéta Prada. « Et le cardinal pourra vraiment s'en régaler, si personne ne l'aide. » Pierre, étourdiment, donna alors une nouvelle qu'il savait. « Il sera sans doute seul à les manger, car son neveu, le prince Dario, a dû partir aujourd'hui pour Naples. » Un petit voyage de convalescence après l'accident qu'il a tenu au lit pendant un grand mois. Brusquement, il s'arrêta, en songeant à qui il parlait. Mais le comte avait remarqué sa gêne. « Allez, allez, mon cher monsieur Froment, vous ne me faites aucune peine, c'est déjà très ancien. Et il est parti, ce jeune homme, dites-vous ? » ?»« Oui, à moins qu'il n'ait remis son départ. » Je m'attends à ne pas le retrouver au palais. Pendant un instant, on n'entendit plus de nouveau que le roulement continu des roues. Et Prada se taisait, repris de trouble, rendu au malaise de son incertitude. Et si pourtant Dario n'était pas là, de quoi allait-il se mêler? Toutes ces réflexions lui fatiguaient le crâne et il finit par penser tout haut. Et s'il s'en est allé, ce doit être par convenance, afin de ne pas assister à la soirée des Buon Giovanni, car la congrégation du concile s'est réunie ce matin pour se prononcer définitivement dans le procès que la comtesse m'a intenté. Oui, tout à l'heure, je saurai si l'annulation de notre mariage sera signée par le Saint-Père. » Sa voix était devenue un peu rauque. On sentait la vieille blessure se rouvrir et saigner, la plaie faite à son orgueil d'homme par cette femme qui était sienne et qui s'était refusée en se réservant pour un autre. Son amie Lisbeth avait eu beau lui donner un enfant, l'accusation d'impuissance, l'outrage à sa virilité, renaissait sans cesse, lui gonflait le cœur d'aveugle colère. Il eut un violent et brusque frisson, comme si tout un grand souffle glacé lui eût traversé la chair. Et, détournant l'entretien, il ajouta tout à coup « Il ne fait vraiment pas chaud ce soir. Voici l'heure mauvaise à Rome, l'heure de la tombée du jour, où l'on empoigne très bien une bonne fièvre si l'on ne se méfie pas. Tenez, ramenez la couverture sur vos jambes, enveloppez-vous soigneusement. » Puis, comme on approchait de la porte Furba, le silence se fit encore, plus lourd, pareil au sommeil invincible qui endormait la campagne, submergé dans la nuit. Enfin, la porte apparut, à la clarté des étoiles vives, et elle n'était autre qu'une arcade de l'Acqua Felice sous laquelle passait la route. Ce débris d'aqueduc semblait, de loin, barrer le passage de sa masse énorme de vieux murs à demi écroulés. Ensuite, l'arche géante, toute noire d'ombre, se creusait tel qu'un porche béant, et l'on passait en pleine ténèbre dans le roulement plus sonore des roues. Lorsqu'on fut de l'autre côté, Santobono avait toujours sur les genoux le petit panier de figues, et Prada le regardait, bouleversé, se demandant par quelle subite paralysie de ses deux mains il ne l'avait pas saisi, jeté aux ténèbres. Cependant, il y était décidé encore, quelques secondes avant de pénétrer sous la voûte. Il l'avait même regardé une dernière fois pour bien calculer le mouvement qu'il aurait à faire. Que venait-il donc de se passer en lui? Et il se sentait en proie à une indécision grandissante, incapable désormais de vouloir un acte définitif, ayant le besoin d'attendre, dans l'idée sourde de se satisfaire pleinement et avant tout. Pourquoi se serait-il pressé maintenant, puisque Dario était sans doute parti, et puisque ses figues ne seraient sûrement pas mangées avant le lendemain? Le soir même, il devait apprendre si la congrégation du concile avait annulé son mariage. Il saurait jusqu'à quel point la justice de Dieu était vénale et mensongère. Certes, il ne laisserait empoisonner personne, pas même le cardinal Boccanera, dont l'existence, cependant, lui importait si peu. Mais depuis le départ de Frascati, n'était-ce pas le destin en marche que ce petit panier? Ne cédait-il pas à une jouissance d'absolu pouvoir, en se disant qu'il était le maître de l'arrêter ou de lui permettre d'aller jusqu'au bout de son œuvre de mort? Et d'ailleurs, il s'abandonnait à la plus obscure des luttes. Il ne raisonnait pas, les mains liées au point de ne pouvoir agir autrement, convaincu qu'il irait glisser une lettre d'avertissement dans la boîte aux lettres du palais, avant de se mettre au lit, tout en étant heureux de penser que, si pourtant il avait intérêt à ne pas le faire, il ne le ferait pas. Alors, le reste de la route s'acheva, au milieu de ce silence-là, dans le frisson du soir, qui semblait avoir glacé les trois hommes. Vainement, le comte, pour échapper au combat de ses réflexions, revint sur le gala des Buon Giovanni, donnant des détails, décrivant les splendeurs auxquelles on allait assister. Ses paroles tombèrent rares, gênées et distraites. Puis il s'efforça de réconforter Pierre, de le rendre à son espoir, en lui reparlant du cardinal Sanguinetti, si aimable, si plein de promesses. Et, bien que le jeune prêtre rentrât très heureux, dans l'idée que son livre n'était pas condamné encore et qu'il triompherait peut-être si on l'aidait, il répondit à peine tout à sa rêverie. Santo Bono ne parla pas, ne bougea pas, comme disparu, noir dans la nuit noire. Et les lumières de Rome s'étaient multipliées. Des maisons avaient reparu, à droite, à gauche, d'abord espacées largement, peu à peu ininterrompues. C'était le faubourg, des champs de roseaux encore, des haies vives, des oliviers, dont la tête dépassait les longs murs de clôture, de grands portails aux piliers surmontés de vases, enfin la ville, avec ses rangées de petites maisons grises, de commerces pauvres, de cabarets borgnes, d'où sortaient parfois des cris et des bruits de bataille. Prada voulut absolument conduire ses compagnons rue Giulia, à 50 mètres du palais. « Cela ne me gêne pas, et d'aucune façon, je vous assure. Voyons, vous ne pouvez achever la route à pied, pressé comme vous êtes. » Déjà, la rue Giulia dormait dans sa paix séculaire, absolument déserte, d'une mélancolie d'abandon, avec la double file morne de ses becs de gaz. Et dès qu'il fut descendu de voiture, Santo Bono n'attendit pas Pierre, qui d'ailleurs passait toujours par la petite porte sur la ruelle latérale. « Au revoir, l'abbé !»« Au revoir, monsieur le comte, mille grâces !» Alors, tous deux purent le suivre du regard jusqu'au palais Boccanera, dont la vieille porte monumentale, noire d'ombre, était encore grande ouverte. Un instant, ils virent sa haute taille rugueuse qui barrait cette ombre. Puis, il entra, il s'engouffra avec son petit panier, portant le destin.